La sécurité mentale, telle que je la vois, moi. La sécurité mentale, c'est une des choses les plus dures à l'homme à atteindre. La sécurité mentale, c'est un état d'esprit qui permet à l'homme d'être parfaitement équilibré dans son être matériel. Mais il y a une condition fondamentale pour atteindre cet état-là. Et la condition qui nous permet de vivre ou d'atteindre cet état de sécurité mentale, c'est la compréhension à un certain moment donné de notre vie que notre personnalité ne sert que notre ego. Que notre personnalité, dans le fond, même si elle est belle, même si elle est fine, même si elle est gentille, même si elle est bonne, même si elle est spirituelle, même si elle est charitable, que notre personnalité sert notre ego, c'est-à-dire qu'elle sert nos émotions et nos attitudes psychologiques. Autrement dit, notre personnalité n'est pas réelle. On a beau l'aimer, notre personnalité, on a beau être à l'aise avec notre personnalité, elle n'est jamais réelle. Mais on ne réalise pas que notre personnalité n'est pas réelle tant qu'on ne subit pas un choc. Un ego, ça change. La sagesse, ça change l'ego. La spiritualité, ça change l'ego. La philosophie, ça change l'ego. Ça meuble le mental de l'homme. Mais la personnalité, elle, ne peut pas vivre la même transformation que l'ego parce que la personnalité n'est pas faite comme l'ego. La personnalité ne fonctionne pas selon les mêmes lois que l'ego. La personnalité cache constamment la réalité de la face de l'ego. L'ego, souvent, a des bonnes intentions. Il veut faire quelque chose. Il veut se transformer. Il veut devenir conscient. Il veut devenir autre chose. Mais la personnalité l'empêche. Et pour que la personnalité cesse d'obstruer l'évolution de l'ego, pour que la personnalité cesse d'empêcher l'ego de devenir esprit, pour que la personnalité cesse d'empêcher l'ego de vivre le vide, il faut à un certain moment qu'elle soit brutalisée par l'expérience. Et quand je dis brutalisée par l'expérience, je dis qu'à un certain moment, l'ego ne peut pas continuer à vivre tant que la personnalité ne s'est pas ajustée à lui. Et l'ego ne peut pas rentrer dans sa conscience réelle tant que la personnalité n'a pas été fracturée, brutalisée par les événements. Ce que j'appelle les chocs. Quand tu es inconscient, tu peux amener ton ego à un certain niveau de développement. Mais ta personnalité sera toujours là pour bloquer l'ultime développement de l'ego, qui est l'ouverture de l'énergie de la lumière en lui. Mais quand tu deviens conscient et que tu connais le principe de la vie mentale de l'homme, qui permet à l'homme de réaliser qu'il n'est pas seul dans son esprit, dans son être, qu'il n'est pas seul en lui-même, qu'il y a deux intelligences, qu'il y a deux niveaux d'intelligence en lui, à ce moment-là, la personnalité commence petit à petit à prendre son trou. Parce que l'ego la voit, la personnalité voit les mécanismes de la personnalité, mais l'ego ne peut pas la détruire, la personnalité. L'ego ne peut pas amener la personnalité à être assujettie à l'esprit, parce que l'ego est encore dans l'ego. L'ego est encore dans les ténèbres de l'émotion et de la pensée subjective. Alors, il ne peut pas réellement fracturer sa personnalité, il ne peut pas la brutaliser. Mais quand l'homme commence à souffrir de l'exploitation des faiblesses de sa personnalité par les forces de la lumière, qui se situe dans son mental supérieur, vient un certain moment où la personnalité est passée par le feu de l'esprit qui est devenu suffisamment grand dans l'ego. Quand l'ego est arrivé à un certain niveau de développement, il devient esprit, puis à un certain moment, il est encore dans la polarité. Il est encore d'un bord puis de l'autre. Il y a l'intelligence réelle en lui, puis il y a sa petite intelligence. Il y a les deux. Mais l'intelligence réelle en lui est suffisamment grande pour mettre sa personnalité sur le spot. Puis rendu à ce point-là, l'ego ne peut plus arrêter cet acheminement. Avant, l'ego le pouvait. Parce que l'ego rationalise. Alors, l'ego pouvait rationaliser et en rationalisant, donner du support à sa personnalité. C'est-à-dire, par le corps de désir qu'il possède, il pouvait atténuer les éléments qui forment l'ensemble de la personnalité. Mais une fois que l'ego rentre dans l'esprit, autrement dit, une fois que l'intelligence de l'ego change de niveau, qui entre dans le supramental, puis qui se fait dire dans sa tête, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, il vient un point où la vis est de plus en plus serrée, et il vient un point où la personnalité, elle craque sous le feu de cet ego qui est revitalisé, autrement dit, de cet ego qui est devenu plus conscient. Et lorsque la personnalité commence à craquer, là, l'ego souffre. Parce que les piliers de la personnalité dans l'ego, c'est l'orgueil, la vanité, le but dans la vie, l'ambition. Tous les égos ont de l'ambition, tous les égos ont un but, et tous les égos ont plus ou moins de l'orgueil et plus ou moins de vanité. Et ce sont les piliers de l'ego. C'est par ces quatre éléments-là qu'est collée la personnalité sur l'ego. Faites n'importe quelle analyse de la relation entre la personnalité et l'ego et vous verrez qu'il y a soit de l'orgueil, de la vanité, de l'ambition ou un désir de faire quelque chose. C'est ça qui donne à l'ego sa substance et c'est ça qui donne à la personnalité sa force sur l'ego. Mais quand la personnalité elle commence à craquer, à ce moment-là, les piliers, les liens qu'elle avait avec l'ego commencent à se fracturer. Autrement dit, l'ego commence à souffrir dans ces piliers-là. Il commence à souffrir dans l'orgueil, dans la vanité, dans son ambition et dans son désir de faire quelque chose. Pour les hommes de la cinquième race, faire quelque chose, puis de l'ambition, puis un petit peu d'orgueil, puis un petit peu de vanité, c'est normal. Surtout l'ambition et le désir. C'est une autre femme que t'as? Ah non, c'est pas toi, ça. Je pensais à elle. Marie-Soleil? Ah, bon. Parce que j'ai dit, elle a bien changé de coup. OK. Ah, l'ego! L'ego! C'est dire ça, Marie. L'ego a besoin un petit peu d'orgueil, un petit peu de vanité, puis l'ambition, puis un désir de faire quelque chose, parce que c'est ça qui donne une raison de vivre sur la Terre, sur le plan matériel. Et dans le cadre de la psychologie de la cinquième race, dans le cadre de la psychologie sociale, dans le cadre de la psychologie des civilisations, des anciennes civilisations, autrement dit, dans le cadre de la psychologie inconsciente de l'humanité, c'est normal. Mais lorsque l'homme rentre dans le supramental, lorsque l'homme s'en va vers le vide, lorsque l'homme s'en va vers un autre niveau d'intelligence, lorsque l'homme s'en va vers un autre niveau de psychologie, lorsque l'homme s'en va vers une dimension où un jour il pourra se dédoubler, lorsque l'homme s'en va vers une dimension où un jour il pourra mettre son corps physique totalement en repos et travailler dans d'autres mondes, à ce moment-là, les conditions psychologiques de son ego ne sont plus les mêmes. Alors, automatiquement, ce que l'ego avait besoin dans le passé, les piliers qui le reliaient à la personnalité doivent s'effondrer. C'est une loi universelle. C'est une loi universelle. Et c'est la loi du supramental, c'est la loi des fils de la lumière, c'est la loi de la lumière, c'est la loi de l'unicité entre l'homme égoïquement lumineux et les forces de l'intelligence cosmique en lui. Alors, un homme qui s'en va vers la lumière, un homme qui s'en va vers des mondes parallèles, un homme qui s'en va vers le supramental, un homme qui s'en va vers une race supérieure, automatiquement est obligé de perdre les quatre points qui lient l'ego et la personnalité. Vanité, orgueil, ambition et désir de faire quelque chose. Vanité, orgueil, si on peut le réaliser, parce qu'à un certain niveau d'évolution, on réalise que c'est une illusion, mais ambition et désir de faire quelque chose, les êtres les plus spirituels en sont contaminés. Parce que tant qu'un homme est sur la terre, tant qu'un homme est sur le plan matériel, il est obligé de faire quelque chose pour être obligé de rentabiliser la valeur de sa personnalité aux yeux de son ego. Il est obligé de rentabiliser la valeur de sa personnalité aux yeux de son ego. Et quand un homme est arrivé à un point où il n'a plus besoin de rentabiliser sa personnalité aux yeux de son ego, qu'est-ce qui se produit en lui? Il se produit une sorte de vide. Il peut être très pesant. Parce que l'ego qui avait besoin avant de la personnalité pour y licher le cul, maintenant, la fout dehors. Pas parce qu'il veut la foutre dehors, mais parce que l'énergie et les événements compris à l'intérieur d'une certaine lumière la fracture. Alors, l'ego, il ne reste plus rien. Avant, il avait son petit chien, la personnalité, puis là, il ne l'a plus. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste plus rien. Puis quand il ne reste plus rien, l'ego, il commence à trouver la vie très seul. Il se crée comme une sorte de tristesse en lui, puis il se crée comme une sorte de panique en lui. Une sorte de panique. Une sorte d'inquiétude. Une sorte d'inquiétude qui est indéfinissable. Une sorte d'inquiétude qui s'enlève. Qu'est-ce que là, c'est m'accrocher mon corps? Quelle place m'accrocher mon corps? Il n'y a pas de clou pour accrocher mon corps. Puis l'ego, il a l'illusion maudite qu'il faut qu'il accroche son corps au lieu de le laisser là. Puis s'il laissera là son corps, il s'apercevra qu'il se tient tout seul. Mais avant qu'il réalise ça, il faut qu'il vive ce vide-là. Moi, j'appelle ça le vide prémoronciel. C'est un état d'esprit qui vient avant la connexion entre l'âme et l'ego. C'est un vide qui n'est pas facile à vivre, mais qu'on est obligé petit à petit d'apprendre à digérer. Puis ça prend un certain temps. Puis quand on a appris à digérer ce vide-là, à ce moment-là, on commence à être bien. Parce qu'il y a des étapes, dans ce vide-là. Des gens pensent que le vide, il y a des gens qui commencent à sentir le vide un petit peu. Ils commencent à sentir la disconnexion entre l'ego et la personnalité. Mais... Puis ils pensent que c'est ça l'affaire. C'est pas ça l'affaire. C'est le commencement de l'affaire. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ceux qui vont vers le supramental ou qui vont vers la conscience cosmique ou qui vont vers toutes ces patentes-là vont réaliser une chose un jour, que tous les hommes sont obligés de passer le test ultime dans le mouvement vers les mondes parallèles. Et le test ultime dans le mouvement vers les mondes parallèles, c'est la capacité à un homme de désirer la mort. Tant qu'un homme n'est pas capable de désirer la mort consciemment, il ne peut pas rentrer dans la lumière. Parce que pour désirer la mort, ça implique que l'ego soit capable de supporter la grande solitude qui provient du fait qu'il est plus lié à sa personnalité. Quand je parle de désirer la mort, là, quand tu es malade, tu es inconscient, tu veux crever, tu veux te relaxer, puis aller au ciel, comme le monde dit. Ça, c'est pas désirer la mort. Ça, c'est vouloir se récupérer dans une autre sorte de paix. Mais quand tu es conscient, il vient un temps où tu désires la mort. Mais pour désirer la mort, il faut que tu puisses la vivre, la mort. Puis pour vivre la mort, il faut que tu puisses passer, éventuellement, du côté de la vie au côté de la vie consciente des mondes parallèles, qui devient une mort pour l'homme sur le plan matériel, mais qui a enfin une continuité dans l'autre vie. Désirer la mort, Quand t'es conscient, c'est pas comme désirer la mort quand t'es inconscient. Quand tu désires la mort, t'es inconscient, c'est parce que t'as bien souffert, t'as le cancer, puis tu veux mettre une fin à ça. Tandis que désirer la mort quand t'es conscient, c'est une autre paix de manche. C'est avoir suffisamment d'intelligence pour réaliser concrètement le pouvoir de la lumière dans tes sens, en toi, pour te donner la capacité d'oser vouloir mourir pour entrer dans l'immortalité. Il y a une différence, il y a une nuance. Parce que la personnalité, tant que les hommes ne sont pas fusionnés, même si la personnalité a fracture, par fracture, par fracture, par fracture, il y a toujours un petit lien entre la personnalité et l'ego. Puis l'homme ne peut pas passer dans les terres avec une personnalité. Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on est toute lumière au bord. Mais sur le plan matériel, ceux qui s'en vont vers les terres, à un certain moment, ils vont être obligés de vivre une période plus ou moins longue où ces quatre éléments de la personnalité-là, l'orgueil, la vanité, l'ambition de faire quelque chose et le désir de faire quelque chose, doit être totalement aboli. Puis quand je l'explique dans le cadre de mon instruction, c'est pas pour que les gens s'en allent chez eux et qu'ils disent « Bon, mais il n'y a rien, on va se mettre de l'assurance chômage. » C'est pas ça que je veux dire. C'est un état d'esprit. Et un état d'esprit, c'est une conscience. Et une conscience, c'est une intelligence. Puis une intelligence, c'est parfait. Ça veut dire que l'homme qui est dans cette intelligence-là, qui est dans la perfection de cette intelligence-là, qui passe à travers son mental, est obligé de s'assurer constamment d'une vigilance au cours de sa vie parce que la personnalité, elle va toujours y jouer des free games. C'est quand que la personnalité va y jouer des free games que là, il va sentir comme une petite variation dans son état de conscience. Il est bien, là, il est bien dans sa peau, il se passe rien. D'un coup, whoop. Whoop. Puis ça, c'est la personnalité. C'est maudit comme ça, la personnalité. Puis la sécurité mentale, qui est la condition de ça, qui est l'effet de ça, qui est la conséquence de ça. La sécurité mentale, c'est le plus grand don que peut avoir un homme sur une planète matérielle. Parce qu'un homme qui a une sécurité mentale est totalement libre de sa personnalité. Automatiquement, il est libre de la vanité, il est libre de l'orgueil, il est libre du désir de faire quelque chose, puis il est libre de l'ambition. Puis quand tu es libre de ces deux derniers éléments-là, de faire quelque chose et de l'ambition, tout ce que tu as à faire après ça, c'est de faire ce que tu as à faire. Mais ce que tu as à faire ne provient pas de ton ambition et de ton désir de faire quelque chose. Ce que tu as à faire te devient évident par la nature même de ton intelligence. Et non par le biais de ta personnalité qui t'impose un certain désir à cause de ta culture, ton éducation, et ainsi de suite. À ce moment-là, c'est plus toi qui runs ta vie. Elle se run tout seul. Puis tant que tu runs ta vie, tu peux pas être dans la sécurité mentale. Tu es dans la sécurité psychologique. Puis la sécurité psychologique, c'est une fausse sécurité qui fait partie de l'évolution de l'ego et du rapport entre la personnalité et l'ego. C'est ce dont vivent les hommes, la sécurité psychologique. L'argent, la job, le ci, le ça. Mais la sécurité mentale, c'est quelque chose qui est totalement haut, puis ça se comprend pas tant que tu rentres pas dedans. Moi, je vous en parle parce que je parle tout pour demain. Mais ça se comprend pas, la sécurité mentale, tant que t'es pas dedans. Puis quand t'es dedans, à ce moment-là, tu ne peux plus être intéressé à la vanité, à l'orgueil, puis à une ambition quelconque, ou à un désir de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire sur le plan matériel? Si tu es dans la sécurité matérielle, si tu es dans la sécurité mentale, c'est pas de tes affaires. C'est pas de tes crises d'affaires que c'est que tu vas faire. C'est pas de tes affaires. Parce que tant que c'est tes affaires, c'est ce que tu vas faire, t'es dans le désir de faire quelque chose, t'es dans l'ambition. Autrement dit, t'es dans le lien entre ta personnalité et l'ego. Quand je dis au monde, notre vie, c'est pas de nos affaires, c'est ça que je veux dire. Puis pour que la personnalité craque cette illusion-là, faut que l'ego soit bien solide. Puis pour qu'il soit solide, faut qu'il soit dans la sécurité mentale. La sécurité mentale, c'est le point ultime de l'évolution. Tu peux pas aller plus loin que ça. Tu peux pas aller plus loin que ça. C'est le mur. Il n'y a plus rien après la sécurité mentale. Ça va. Plus rien. Alors, pour arriver à la sécurité mentale, il faut que l'ego en arrive à perdre la sécurité psychologique. En perdant la sécurité psychologique, là, il traumatise sa personnalité. En traumatisant sa personnalité, il inquiète son ego. En inquiétant son ego, il force la descente de l'énergie intelligente du supramental dans son mental inférieur pour lui donner un petit peu de lumière. Puis en subissant cette descente-là, il se sent de plus en plus déculotté. Il se sent de plus en plus, pas seul, mais tendant vers la solitude. Tendant vers l'absence de support. Tendant vers l'absence d'une connexion ou d'un clou quelque part sur le mur. Puis ça, il trouve ça tough. Puis c'est dans cette période-là, puis après, que l'ego commence à perdre la connexion avec sa personnalité. Puis c'est là que se définit en lui la sécurité mentale. Un homme qui pourrait donner à un homme la sécurité mentale, instantanément. C'est tellement fort la sécurité mentale, c'est tellement réel la sécurité mentale, c'est tellement parfait la sécurité mentale, qu'un homme qui pourrait donner à un homme instantanément la sécurité mentale, pourrait amener une humanité à un niveau d'évolution supérieure en dedans d'une vie. C'est impossible. Parce que la sécurité mentale, c'est un état qui ne peut être vécu que par l'individu au fur et à mesure que se fracture sa personnalité, qu'elle tombe en pièces sa personnalité. Et que les joints entre sa personnalité et son écho se brisent. Pour que lui devienne un agent libre. On fie en tant qu'homme, en tant qu'être matériel, on se fie à soi-même. Là, il y a une nuance dans ce que je veux dire. On ne peut pas se fier à soi-même tant qu'on n'a pas de sécurité mentale. Quand vous aurez de la sécurité mentale, vous pourriez vous fier à vous-même parce que quand vous aurez de la sécurité mentale, vous serez dans votre intelligence, votre volonté. Il n'y aura aucun nuage devant votre esprit. Mais d'ici à ce temps-là, vous ne pouvez pas vous fier à vous-même. Vous pouvez essayer de vous fier à vous-même. Mais en essayant de vous fier à vous-même, vous pouvez vous attendre à des tuiles à la tête pareilles. Parce que vous êtes incapable, au niveau de votre énergie intelligente et volontaire, de briser les tuiles avant qu'ils vous tombent sur la tête. Et il y a un cercle vicieux là-dedans. C'est ça qui a tendance à créer chez vous le besoin d'une sécurité psychologique. Mais c'est un cercle vicieux qui ne peut pas se briser. C'est un cercle vicieux qui peut seulement se transposer dans une spirale une fois que vous êtes dans votre énergie. Puis vous ne pouvez pas être dans votre énergie ou cette vibration d'énergie qui vous permet d'être en sécurité mentale tant que votre personnalité n'est pas fracturée. Autrement dit, que vous n'avez pas pu voir, réaliser au niveau de votre intelligence la nécessité d'être libre de l'ambition et du désir de faire quelque chose. Je parle même pas d'orgueil de la vanité. Je parle des deux là. Parce que les deux autres sont plus rapprochés de votre bread and butter, comme ils disent en anglais. De votre statut social, puis de votre pain, puis votre peur, puis votre maison, puis votre sécurité matérielle. Tandis que votre vanité, puis votre orgueil, c'est simplement sont simplement des éléments qui réfléchissent en vous une certaine sorte d'intelligence que vous pensez que vous avez. La sécurité mentale. Ça n'a pas de prix. Puis quand je dis que la sécurité mentale, c'est le dernier pont que doit passer l'homme, sur lequel doit passer l'homme avant de passer à l'éther. C'est final. Ça se discute même pas. C'est le dernier des ponts. Puis il est long, ce pont-là. Parce que dans la sécurité mentale, vous pouvez toujours vous faire accrocher parce que vous n'êtes pas fusionnant, quoi. Vous allez vers la sécurité mentale. Il s'agit que les tuiles soient un petit peu plus fortes pour que vous paniquiez. Puis c'est là qu'est testée votre sécurité mentale. Jusqu'à temps que vous en arriviez à pouvoir recevoir des tuiles sur la tête, autrement dit des interférences, et ne pas être affecté au niveau émotif ou au niveau mental. Parce que aussitôt que vous êtes affecté au niveau émotif ou au niveau mental, votre personnalité résonne dans votre ego. Elle crée un imprint dans votre ego, votre personnalité. Automatiquement. Puis aussitôt que votre personnalité crée un imprint dans votre ego, si votre ego est plus ou moins évolué, là, votre ego se forge, puis il se dit « Maudit que je suis sans dessin. Maudit que je suis émotif. Maudit que je suis ci. Maudit que je suis ça. » L'ego se forge contre lui-même. Mais tant que votre ego se forge contre lui-même, vous êtes encore des enfants. Il y a un Christ de bout avant que mon ego se forge, que moi je me forge contre moi-même. Moi je vais me forger contre moi-même. Moi! Ça serait une insulte à mon intelligence de me fâcher contre moi-même. Parce qu'il n'y en a pas de moi-même. Mais vous autres, il y en a du moi-même. Vous autres, il y a du moi-même parce que vous n'êtes pas fusionnés encore. Mais un jour, il n'y aura plus de moi-même. Mais en attendant, apprenez une chose. À jamais vous fâcher contre moi-même. Parce que si vous fâchez contre vous autres-mêmes, c'est parce qu'encore, c'est votre crise de personnalité qui vous joue des games. Puis c'est votre ego qui en souffre. C'est subtil, ça, ce que je dis là. Moi, je vais me fâcher comme moi-même! Sacrement. Si tu te fâches contre toi-même, c'est parce que t'es pas en sécurité mentale. Si t'es dans la sécurité mentale, comment est-ce que tu vas te fâcher contre ta main? Moi, j'ai toujours raison. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Puis tout le temps. C'est pour ça que j'ai de la sécurité mentale. C'est ça, ma sécurité mentale. C'est la manifestation de ma sécurité mentale, le fait que j'ai tout le temps raison. Devant moi-même. Mais quel moi-même? Le vide. Autrement dit, le vide, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de relation entre la personnalité et l'ego. Quand l'ego s'en fait la personnalité, c'est le vide. Vous comprendrez un jour ce que je veux dire. Puis quand vous comprendrez ce que je veux dire, vous regarderez en arrière, vous direz « j'étais-tu calme ». Moi, ce qui me fait rire dans le monde, ça c'est normal, c'est la nature humaine. Tu sais, en science, quand on est en science, c'est ça d'ailleurs le pouvoir de la science. Quand la science arrive puis ils disent on va vous construire une roquette qui va aller sur la Lune, tout le monde tombe sur le cul, comprends-tu les scientistes, c'est quoi ça? Ils ont envoyé une roquette sur la Lune. OK? Le fait est là. Le roquette est allé sur la Lune puis est revenu ici de faire fermer vos gueules. Ça, c'est la science. Mais quand un homme arrive, puis il fait la même chose, avec des mots, là, le fait n'est pas là. Fait que tout le monde, ça c'est normal dans l'humanité, tout le monde questionne ce que ce scientiste-là dit. Un scientiste qui travaille avec la matière, ça, ça marche, ça. Mais un scientiste qui travaille avec des mots, ça marche plus. Mais je vais vous dire quelque chose. Les scientistes de demain travailleront avec les mots. Ils créeront la matière avec les mots. Fait que si un scientiste sur Terre vous dit qu'il vous parle avec des mots, Un jour, vous comprendrez que la science des mots est encore plus puissante que la science de la matière. Puis elle est encore plus parfaite. Quoi. Les hommes ont besoin des preuves. Quand tu donnes des preuves au monde, là, si je ferais lever la chaise d'un ici, là, là, tout le monde tomberait sur le cul. Puis tout le monde croirait comme des yo-yo. Puis elle m'aurait pas demandé cette question-là. Parce que là, j'ai monté la chaise, là. Fait que si je suis capable de monter la chaise, ça doit être vrai ce que je dis. Non, non, j'explique un principe. C'est pas vous. Comprends-tu? La chaise est là, sacrément, en regardant ça, tout ça qui nous a fait. Ça, c'est la meilleure façon de mesmériser l'esprit de l'homme. C'est la meilleure façon de créer des shortcuts pour que le gars arrive et il se frappe le mur contre le charlatanisme puis la magie noire. Mais quand on lève pas la chaise dans les airs, là, puis qu'on est assis sur notre cul puis qu'on parle en tant que scientiste de l'esprit, puis qu'on connaît les lois de l'esprit, puis qu'on sait que ça va vous prendre tant de temps à comprendre telle chose, là, c'est plus tough. Mais ça n'a pas d'importance. Parce qu'un jour, vous allez comprendre ce que vous dites, nous. Parce que j'ai tout raison. Bon, continue. La sécurité mentale, c'est un état dans lequel l'être qui vit cette sécurité mentale ne se voit pas. Quand tu es dans la sécurité mentale, tu ne te vois pas. Parce que pour se voir, il faut avoir la personnalité. Si tu n'as pas de personnalité, tu ne te vois pas. Puis quand tu ne te vois pas, tu es bien. Sais-tu quoi? Parce que quand tu ne te vois pas, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux dire n'importe quoi parce que tu as tout le temps raison. Fait que t'es bien. Puis pourquoi c'était bien? Parce que tu peux faire n'importe quoi, puis tu peux dire n'importe quoi, puis t'as tout le temps raison. C'est subtil ce que je veux dire. C'est bien. C'est bien subtil ce que je dis. C'est subtil en maudit ce que je dis. Quand tu peux dire n'importe quoi, selon ta conscience, pas ta conscience psychologique, ta conscience vibratoire, autrement dit ton intelligence, puis tu peux faire n'importe quoi, selon ta volonté, cosmique, volontaire, réelle, vibratoire, t'es bien. Parce que t'as pas nourri ta personnalité. Tu te vois pas. Fait que t'as pas nourri ta personnalité. Parce que nourrir sa personnalité, c'est comme être obligé de mettre du charbon dans une fournaise pour entretenir le feu, puis entretenir le feu. Il faut que tu en mettes tout le temps du charbon, puis du charbon, puis du charbon, puis du charbon. Tout le temps. Une personnalité, ça prend toujours du charbon dans la fournaise. Ça consomme tout le temps du charbon pour tenir le feu de l'ego allumé. Mais même toi, un homme qui n'a pas besoin de charbon, puis le feu est toujours allumé, la forme est encore plus grande, il est bien. Il devient indépendant du charbonnier. Autrement dit, il devient indépendant de tout ce qui est extérieur à lui-même. Tout ce qui est matériel, au niveau idée, au niveau n'importe quoi. Il devient indépendant. Puis quand je dis indépendant, je veux dire indépendant d'esprit. Je veux pas dire indépendant matériel. Tu es obligé d'acheter ton pain sur le boulanger. Ça t'enlève pas ton indépendance, ça. Parce que quand tu es intelligent, tu prends toujours ce que tu as de besoin. S'il n'y en a pas, tu prends d'autres choses. S'il n'y en a pas, mais tu fais d'autres choses. Mais tu fais toujours quelque chose. Quand tu es intelligent, tu ne crèves jamais de faim. Quand tu as de la volonté, tu ne crèves jamais de faim. Mais quand tu as de la personnalité, là, tu penses que tu vas crever de faim parce que Steinberg n'a plus de viande sur les comptoirs. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger? La personnalité qui s'inquiète, puis elle crée à l'ego. Comprends-tu? Qu'est-ce qu'on va manger? L'ego est panique. C'est ça qui crée les crises monétaires dans le monde. 1929. Mais quand un homme a une sécurité mentale, il est dans la lumière. Il ne sera jamais laissé à dépourvu. C'est impossible. C'est impossible. Parce que son intelligence est trop grande, sa volonté trop forte. Mais pour traverser le Rubicon, pour pouvoir aller de l'autre côté, il y a un pont. Et le pont, c'est ça que tous vous autres, vous allez vivre au cours des années, vous allez toute la vie, l'un après l'autre. Le pont, c'est cette période dans votre vie où votre personnalité perd le contact avec l'ego. Quand vous allez être sur ce pont-là, vous allez commencer à sentir le vide, puis vous allez commencer à vous inquiéter, vous allez commencer à avoir peur de manquer quelque chose, vous allez commencer à avoir peur de pas arriver sur le bateau. Tout ça de peur, tout ça de crainte, tout ça de niaiserie de la personnalité. C'est là que va se façonner en vous la sécurité mentale. Elle va se faire malgré vous, la sécurité mentale. Elle va pas se faire avec vos efforts, la sécurité mentale, parce que vos efforts sont toujours colorés par votre personnalité. Vous n'êtes pas capable de rien faire sans votre personnalité. Rien. Pas de maudite affaire. Parce que vous êtes esclaves de vos personnalités. Ce qui est le pire, c'est que c'est nos personnalités qui nous empêchent d'avancer. Là, je prends ce qu'elle disait elle comme exemple tout à l'heure. Je prends elle comme principe, c'est pas la jeune fille. Pour vous montrer la personnalité. Moi, quand je parle, c'est absolu, c'est final. Elle, quand elle parle, c'est relatif. Fait que moi, parce que c'est absolu, final. Puis elle, c'est relatif, ça crée une tension dans la personnalité. Si elle n'avait pas de personnalité, puis elle serait dans sa sécurité mentale. Ça serait évident ce que je dis. Fait que la question ne sortira pas. Alors, c'est comme ça constamment dans nos vies. Tant qu'on n'est pas arrivé à savoir qu'on a parfaitement raison, on est incapable de savoir et de réaliser qu'on est dans notre propre lumière. On ne peut pas avoir notre sécurité mentale. Alors, automatiquement, on doit souffrir de notre personnalité. Qui c'est qui s'en sert de notre personnalité? La société. C'est jamais nous autres. C'est toujours les autres qui servent de notre personnalité. C'est jamais nous autres. Nous autres, on pense qu'on sert de notre personnalité. On ne sert pas de notre personnalité. Il n'y a aucun autre qui est capable de servir la personnalité. Moi, je suis capable de m'en créer une personnalité. Là, ça me sert. Parce que elle est sous le contrôle de l'esprit. Mais l'homme, il ne sert pas de sa personnalité. Parce qu'il n'y en a pas! C'est pas une vraie, c'est une fausse. C'est quand t'es vrai ta personnalité que tu peux t'en servir. Tu peux la colorer, tu peux la faire agrandir, tu peux la rapetisser, tu peux faire tout ça. Moi, si je vais aller me reposer, puis je vais aller gambler à Las Vegas, laisse-moi te dire que je vais me mettre un tuxedo, Charlie, je vais me mettre une cravate, puis les gars, ils vont penser que je suis un millionnaire. Puis il n'y en aura pas un qui va penser que je suis un trou de cul. Ben, parce que je vais me créer une personnalité. Mais pour te créer une personnalité, il faut que tu aies des outils. Puis il y en a que deux outils, ça va y monter bien intelligent. Il n'y a pas d'autre. T'as pas besoin d'argent pour être millionnaire. T'as qu'à créer une personnalité. Je vais aller chez Avis, je vais me louer une grosse limousine noire. Je vais faire conduire la limousine par l'usel. Puis, mec, je rentre dans le studio, dans où ce qui tourne les patentes. Je suis tellement psychique que je ne mettrai pas. Mec, je mets la boule sur le 7, c'est le 7 qui va rentrer, c'est pas le 8. Mathieu. Tu te crées une personnalité. Tu veux faire un chum avec un autre millionnaire à côté, tu vas te dire, mets ton numéro là, là. Il va le mettre là, il va gagner, il va être fou comme la merde. Il va t'en donner la moitié après. C'est ça, se créer une personnalité. Mais l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est, se créer une personnalité. L'homme est influencé par sa personnalité au niveau de son ego, puis son ego, sa personnalité, c'est pas lui, pas tout, c'est à tout le monde. À belle-mère, à grand-mère, au grand-père, au professeur d'université, c'est à tout le monde de personnalité, il faut partir québécois. qu'est-ce que c'est les mécanismes dans l'homme qui enlèvent sa personnalité, qui créent une fausse personnalité? C'est la vanité, l'orgueil, l'ambition, le désir de faire quelque chose. Parce que quand l'homme n'a plus d'ambition, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que son ego commence à se trouver sans dessein. La première chose qu'un homme doit vivre quand il s'en va vers le supramental, c'est de réaliser à un certain moment qu'il est sans dessein. Un homme qui ne réalise pas qu'il est sans dessein ne peut pas rentrer dans le supramental, c'est impossible. Parce qu'il y a trop d'intelligence. Il y a trop d'intellect. Fait que tu es obligé à un certain moment de réaliser que tu es sans dessein. Tu t'es lu bien des livres, tu te le bloques, comprends-tu? Comprimé de penser fort, tu te penses intelligent. Faut qu'à un certain moment, tu réalises que tu es sans dessein. Ça veut pas dire que tu es sans dessein, mais tu réalises que tu es sans dessein parce que tu es capable de rien faire encore. Puis quand tu es capable de rien faire, ton ambition tombe à terre, elle se dessouffle comme une ballonne. Là, l'ego commence à s'inquiéter. Il regarde à côté, il regarde son beau-frère, puis lui est ingénieur, puis lui est médecin, puis lui est ingénieur, puis il est rendu boulanger. Là, ça disconnecte une partie de la personnalité avec l'ego. Pas avoir d'ambition dans la vie, c'est occulte. C'est pas psychologique. Vous autres, vous avez d'ambition dans la vie, c'est bon. C'est psychologique. Mais un jour, vous ne pourrez pas avoir d'ambition dans la vie. Puis tant que vous aurez d'ambition dans la vie, vous ne pourrez pas rentrer vers le supramental. Vous ne pourrez pas rentrer dans cette conscience pure, totale et absolue. Parce que vous serez comme un canal. Vous allez être un canot. Puis l'autre partie, c'est de ne pas être intéressé à faire rien. Pas pareil l'ambition, puis pas être intéressé à faire rien. L'ambition, c'est le désir de la personnalité. Puis pas être intéressé à faire rien, c'est la crainte de la personnalité. La personnalité a peur de ça. Elle a peur de ça, comme la peste. Parce que pour pouvoir arriver, pour en arriver à ne pas vouloir rien faire, faut dépasser l'illusion de la personnalité d'abord qui dit que quand tu fais rien, tu es un paresseux. Elle a quelque chose, la personnalité. Elle a des mécanismes internes. Si tu fais rien, elle va te faire croire que tu es paresseux parce qu'elle fait de tout le monde, des idées de tout le monde. Puis comme tout le monde travaille et toi tu ne travailles pas, ben elle va dire comment ça fait que tu ne travailles pas, toi tu es un paresseux. C'est une illusion, c'est une forme. Pour te tenir encore dans la patente de la personnalité, elle va faire de la personnalité. Mais Jojo en haut, quand il dit reste ton cul, fais rien. Ah, là, c'est pas pareil, là. Là, t'as une autre intelligence qui te dicte à ton intelligence inférieure. Tu fais rien, t'es bien, reste là. Là, ta personnalité travaille, elle fait de l'overtime. Là, le lien entre l'ego et la personnalité se brise. C'est pour ça que c'est bien important de comprendre l'aspect réel de perte d'ambition puis de perte la nécessité de faire quelque chose. Puis inquiétez-vous pas, c'est toujours remplacé par de l'énergie, ça. Mais la personnalité, elle sait pas. La personnalité, elle réalise pas que quand elle perd l'ambition, puis quand elle perd le goût de faire quelque chose, c'est remplacé par une énergie créative qui y fait faire quelque chose. Mais ce que ça y fait faire, c'est pas de ses affaires. Et à partir de ce moment, elle devient un outil. Et il y a l'esprit. Je parle pas de la vanité et de l'orgueil parce que tout le monde peut comprendre ça. Mais l'ambition et le désir de faire quelque chose, c'est les autres étapes de la personnalité. Puis s'il y en a quatre, il n'y en a pas plus que quatre. Ramenez-moi une pour la guerre, mais vous toutes me ramenez ça à quatre. N'en quatre. Puis quand tu as passé à travailler ces quatre-là, quand tu n'as plus d'orgueil, plus de vanité, puis tu n'es plus intéressé à rien faire, puis tu n'as plus d'ambition, là, tu rentres dans le vide, dans ton vide, puis c'est là que tu commences à faire quelque chose.